ce son, c'est du fait maison, un autre image, retiens le message, c'est du fait maison, mais sache que c'est du vrai, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, mais on tient le bon lien. Ce son, c'est du fait maison, un autre image, retiens le message, c'est du fait maison, mais sache que c'est du vrai, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, toujours proche des miens. Du fait maison. Parti de rien, besoin de rien, ni de personne. On avance tout seul et ça t'étonne. Nos albums, c'est du fait maison. Pousse le son dans tes caissons, n'ai-je pas raison? Très peu d'aide, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu connais le proverbe, on avance seul et sans ton herbe. Besoin de rien et de ta drogue, encore moins pas de dope, mais du vrai hip-hop. Tel des sportifs de haut niveau. Du fait maison et on y va, nous c'est de l'authentique, du véridique, loin de tes clichés. Contre ce rap on est fâché, paré à clasher. On part du bas de l'échelle pour conquérir le ciel. On esquive les gens qui tentent par tout moyen de nous stopper. La pente est raide mais plaide en notre faveur, car plaire n'est pas dans nos valeurs. Du fait maison, un autre image, retiens le message, c'est du fait maison, mais sache que c'est du frais, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, mais on tient le bon lien. Ce son, c'est du fait maison, un autre image, retiens le message, c'est du fait maison, mais sache que c'est du frais, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, toujours proche des miens. Conditions précaires dans le rap, je t'assure, c'est pas le luxe. On se démerde avec quelques rues et astuces. Mentalité, système B, on fait beaucoup avec peu. On ramène la qualité, même si on est de moins en moins nombreux. Pas question de bâcler, notre respect est en jeu. Ceux qui ne s'appliquent pas ne font pas d'envieux. Voilà pourquoi je soigne, texte et prestation. Précis sur chaque mot, j'évite les approximations. Je me rappelle au début, la naissance de ma passion. À 15 autour de l'instru, on kickait sans formation. Combien de groupes éphémères ou lancés par effet de mode. De jeunes MC qui émergent, la naïveté de faire le monde. Nombreux m'ont entouré pour finalement se barrer. Préférer se bourrer, fourrer, maintenant il ne reste que les vrais. Je suis pas parti de rien, maintenant j'suis toujours pas grand chose. J'ai seulement un mérite, celui de me nommer Narcos. Ce son, c'est du fait maison, un autre image, retiens le message. C'est du fait maison, mais sache que c'est du vrai, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, mais on tient le bon lien. Ce son, c'est du fait maison, un autre image, retiens le message. C'est du fait maison, mais sache que c'est du vrai, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, toujours proche des miens. On ne m'a jamais tendu de perche, ou très rarement, mais je garde la pêche. Et heureusement, car dans la vie, je dois rien à personne. Et à part ça, je te cloue le bec. Morale de gagnant, à la part ça, le flow impec. Et te le prouver, moi j'attends que ça. T'entends ça, c'est tu fais maison, comme tous mes sons, comme dans ma vie. C'est celle que je navigue, je n'attends rien de quiconque. Et puis pour moi, tu sais, y en a très peu qui comptent. Même tes potes complotent quand d'autres veulent te réduire en compote. Mais comporte le même slogan, le même comportement, tout pour te rabaisser. Beaucoup veulent me baiser, mais oublie que je suis parti de bas et que je déballe pas leur texte à deux balles. L'espoir, je l'ai, et j'y vois clair car je n'ai pas d'or gelé. Rien n'est hors portée, retiens le message, ainsi colporté. Tu fais maison, un autre image, retiens le message, c'est du fait maison, mais sache que c'est du vrai, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, mais on tient le bon lien. Ce son, c'est du fait maison, un autre image, retiens le message, c'est du fait maison, mais sache que c'est du vrai, mais le son, et retiens la leçon. Parti de rien, toujours proche des miens.